Chapitre 2e. Le roi Tsimtsitcha, dit l'histoire, possédait une sœur âgée de 20 ans et d'une grande beauté. Dernier enfant du roi Sigwanga, la jeune princesse, nommée Atsimba, avait été les délices de la précédente cour. Chérie par son père, aimée par les nobles, que captivait sa grâce et sa modestie, Atsimba avait également conquis le peuple par sa générosité. Tsimtsitcha lui-même, bien qu'égoïste, avait concentré en elle toute l'affection dont il était capable, ou mieux dit encore, la seule véritable affection qu'on lui ait connue, en dehors de celle qu'il portait à l'une de ses filles. Vive, intelligente, délicate, surtout très impressionnable, les événements de la conquête du Mexique, par des hommes à tous les points de vue extraordinaires, avaient profondément remué et troublé la jeune princesse. Était-ce l'amour de la patrie qui parlait en elle? Demande naïvement les légendes, ou les désirs inconscients de son âme vierge qui agitaient son cœur. Et les susdites légendes répondent, c'est la crainte instinctive de l'inconnu. Quelle qu'en fût la véritable cause, les premières nouvelles de l'apparition des redoutables étrangers sur la vieille terre d'Anahuac plongèrent Atsimba dans une mélancolie si profonde que l'on eut des craintes pour sa vie. Tsimtsitcha, alarmé, convoqua les plus habiles médecins de son royaume, et leur opinion commune fut que la princesse, victime de conjurations ennemies, était ensorcelée. Il convenait donc, pour la délivrer des maléfices qui la tourmentaient, de l'envoyer au terme de Zinepecuaro, terme consacré à la déesse Cuaraperi, et dont les eaux auraient seules le pouvoir de dissiper la tristesse à laquelle elle était en proie en purifiant son âme. En outre, et pour assurer sa guérison, il importait de l'avouer au culte des dieux de faire d'elle une des épouses immatérielles du soleil. Ses conseils furent suivis. Atsimba, accompagné de toute la cour, partit pour les plaines fleuries de Kerandaro et fut ensuite emmené dans les pittoresques régions de Vorameo et de Taimenos. Près de cette dernière ville existait, et même existe encore, une grotte ayant deux entrées d'où s'échappent de ruisseaux pareils. Seulement l'eau de l'un est glacée, tandis que celle de l'autre est bouillante. À une courte distance du lieu de leur apparition, ces ruisseaux s'unissent et la frigidité de l'un affaiblissant la chaleur de l'autre, il en résulte une température salutaire en même temps qu'agréable. La princesse résida pendant quelques semaines dans ce beau lieu entouré de jardins magnifiques et se sentit soulagée. Elle fut alors conduite à Zinepecuaro et après les cérémonies voulues, revêtue du voile de la Usharnande, c'est-à-dire de l'insigne de la supérieure ou mère des épouses du soleil. Désormais, c'était dans cette pittoresque mais solitaire région, au fond d'un parc entouré de murs, que devait s'écouler loin du monde, loin de la cour dont elle avait été l'âme et le charme, la vie de la jeune et belle princesse. Dans ce lieu d'exil, on la vit bientôt errer sans cesse, seule et pensive, à travers les jardins et dans le bois qui s'étendait entre la demeure luxueuse des épouses du soleil et le palais alors délaissé et inhabité des anciens rois du Michoacán. Ignorant ce qui se passait en dehors de cette enceinte sacrée, mais avide de le savoir, la princesse fut reprise par sa mélancolie. Elle tombait souvent dans de profonds abattements, le corps en proie à des contractions musculaires, crises à la suite desquelles elle demeurait durant de longues heures immobile, inerte. Elle était plus que jamais la victime d'un mal étrange qui attristait et préoccupait ceux dont elle vivait entourée, d'un mal inconnu de l'Antiquité, connu de nos pères, que la science moderne a tout récemment expliqué, nommé.